Voici une photo du mariage de mes parents. Papa est le mari de maman et maman est la femme de papa. Ils sont un couple.